Découvrez un parcours d'accompagnement unique pour trouver sa voie en écoutant le podcast Cap Artisanat des Chambres de Métiers et de l'Artisanat. Vous avez moins de 26 ans et n'avez pas d'emploi? Vous cherchez un métier d'avenir? Le dispositif Cap Artisanat est peut-être la solution. Écoutez le podcast Cap Artisanat. Un podcast à retrouver sur cap-artisanat.fr et les plateformes dédiées. Les Chambres de Métiers et de l'Artisanat. Chaque jour à vos côtés. Écris-moi souvent, écris-moi longuement. Correspondance d'Alfred et Lucie Dreyfus. Mémoire et journal de captivité. Texte réuni par Emmanuel Chevrière. Quatrième épisode, vers la révision du procès. Journal d'Alfred Dreyfus. 8 janvier 1896. Les journées, les nuits s'écoulent, terribles, monotones, d'une longueur qui n'en finit pas. Le jour, j'attends avec impatience la nuit, espérant goûter quelque repos dans le sommeil. La nuit, j'attends avec non moins d'impatience le jour, espérant calmer mes nerfs par un peu d'activité. En lisant et relisant toutes les lettres de ce dernier courrier, j'ai compris combien ma disparition serait un choc terrible pour les miens, que mon devoir, envers et contre tout, était de résister jusqu'à mon dernier souffle. 3 mars, 6 heures, soir. Le courrier venant de Cayenne est arrivé ce matin à 9 heures. Ai-je des lettres? 4 mars 1896. Pas de lettres. Quel supplice atroce, trop souvent renouvelé. 8 mars 1896. Journée lugubre. Tout m'est interdit. Le tête-à-tête perpétuel avec mes pensées. 1er janvier 1896, mercredi. Mon bien cher Alfred, cette journée du 1er janvier est encore plus longue, plus pénible. Pourquoi? Je me le demande. Les raisons de souffrir sont les mêmes, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, tant que ta réhabilitation ne sera pas reconnue. Le poids qui nous oppresse est trop lourd pour que nous puissions prendre part à la vie extérieure et faire une différence entre les jours quels qu'ils soient. Et cependant, nous sommes sous une impression plus triste encore. Sans doute, cela tient à ce que des journées chez des êtres qui s'aiment tendrement sont des moments de très grand bonheur, de grande joie, et nous, si malheureux, si cruellement atteints, nous éprouvons plus vivement encore le besoin de nous rapprocher, de nous soutenir et de maintenir nos forces par une solide affection. C'est pour cela aussi que je me réfugie aujourd'hui auprès de toi, que je viens te caresser, te réconforter. Car il me semble que ton chagrin est encore plus aigu. Pour moi, ce seront quelques instants de douceur auprès de la personne qui m'est la plus chère au monde, et à laquelle je donnerai ma vie pour qu'elle ait un instant de bonheur. Ta femme dévouée, Lucie. Île du Salut, 26 mars 1896, soir. Chère Lucie, avant de t'envoyer la lettre que je t'avais écrite, je relisais pour la 100e fois peut-être tes chères lettres. Car tu peux t'imaginer ce que peuvent être mes longues journées, mes longues nuits, les bras croisés, n'ayant même rien à lire, en tête à tête avec mes pensées, ne me soutenant que par la force du devoir, pour te soutenir par ma présence, pour voir enfin le jour où l'honneur nous sera rendu. Tu me demandes, chère Lucie, d'attendre avec calme le jour où tu pourras m'annoncer la découverte de la vérité, Demande-moi d'attendre tant que je pourrai, mais avec calme, ah, cela non. Quand on m'a arraché tout vivant le cœur de la poitrine, quand je me sens frappé dans mon bien le plus précieux, dans toi, dans mes enfants, quand mon cœur nuit et jour hurle de douleur, sans une minute de repos, quand depuis 18 mois je vis dans un cauchemar atroce. Mais alors, ce que je veux, avec une volonté farouche qui m'a fait tout supporter, qui m'a fait vivre, ce n'est pas protester de mon innocence par tes paroles, mais que tu marches, que vous marchiez tous, par n'importe quel moyen, à la conquête de la vérité, de la lumière sur cette sinistre histoire. Tout notre honneur, enfin. Ce sont les paroles que je t'ai dites avant mon départ, il y a déjà plus d'un an. Et hélas, ce n'est pas un reproche que je veux te faire, mais je vous trouve bien long dans cette mission suprême. Car ce n'est pas vivre que vivre sans honneur. Aussi, dans mes longues nuits de torture, souffrant le martyr, combien souvent me suis-je dit « Ah, comme j'aurais eu l'énigme de cet horrible drame, par n'importe quel moyen, eussé-je dû finalement mettre le couteau sur la gorge au complice misérable ?» si insaisissable qu'il soit de ce vil criminel. Et plus souvent encore me suis-je écrié, n'y aura-t-il donc personne ayant assez de cœur et d'âme ou assez d'habileté pour leur arracher la vérité, faire cesser ainsi ce martyre effroyable d'un homme et de deux familles. Ah, je sais que ce ne sont que les rêves d'un homme qui souffre horriblement. Mais que veux-tu? Tout cela est trop horrible, trop atroce. Cela déroute trop ma raison, mes croyances en la loyauté, en la droiture, car il y a une loi morale qui domine tout, passions et haines. C'est celle qui veut la vérité partout et toujours. Et puis quand ma pensée se reporte sur mon passé, sur ma vie tout entière, et que je me vois là. Oh, alors c'est horrible. La nuit se fait en moi toute sombre, et je voudrais fermer les yeux, ne plus penser. C'est dans ta pensée, dans celle de nos chers petits, dans ma volonté de voir la fin de cet horrible drame, que je trouve la force de vivre, de me maintenir debout. Voilà mes pensées, voilà mes nuits, ma chère et bonne Lucie. Et c'est pour répondre à ta question que je t'ouvre ainsi toute mon âme. Dis-toi donc que je souffre horriblement comme toi, comme vous tous, que nos tortures morales à tous sont les mêmes, qu'elles sont atroces, qu'elles ne peuvent avoir qu'un terme, c'est la pleine lumière sur cette sinistre affaire. Qu'il faut donc marcher tous à ce but suprême, avec une activité de tous les jours, de toutes les heures, avec une volonté farouche et indomptable, avec ce sentiment qui renverse tous les obstacles, c'est qu'il s'agit de notre honneur et qu'il nous le faut. Et maintenant je vais me coucher, essayer de reposer un peu mon cerveau, ou plutôt rêver à toi, à nos chers enfants. Le 5 avril, Pierre aura 5 ans. Dis-toi que ce jour-là, tout mon cœur, toutes mes pensées, mes pleurs, hélas aussi, auront été vers lui, vers toi. Et je termine en souhaitant que tu puisses bientôt m'annoncer la fin de cet infernal supplice et en t'embrassant de tout mon cœur, de toutes mes forces, comme je t'aime. Ton dévoué, Alfred. 6 mois plus tard, Alfred Dreyfus écrit dans son journal. Dimanche 6 septembre 1896. Je viens d'être prévenu que je ne pourrai plus me promener dans la partie de l'île qui m'était réservée. Je ne pourrai plus marcher qu'autour de ma case. Combien de temps résisterai-je encore? Je n'en sais rien. Je souhaite que cet horrible supplice finisse bientôt. Sinon, je lègue mes enfants à la France, à la patrie, que j'ai toujours servi avec dévouement, avec loyauté, en suppliant de toute mon âme, de toutes mes forces, ceux qui sont à la tête des affaires de notre pays, de faire la lumière la plus complète sur cet effroyable drame. Et ce jour-là, à eux de comprendre ce que des êtres humains ont souffert d'atroces tortures imméritées, et de reporter sur mes pauvres enfants toute la pitié que mérite une pareille infortune. Même jour, 2 heures, soir, que ma tête me fait souffrir, comme la mort me serait douce. Ô ma chère Lucie, mes pauvres enfants, tous les chers miens, qu'ai-je donc fait sur terre pour être appelé à souffrir ainsi? Lundi 7 septembre 1896. J'ai été mis au fer hier au soir. Pourquoi, je l'ignore. Depuis que je suis ici, j'ai toujours suivi strictement le chemin qui m'était tracé, observé intégralement les consignes qui m'étaient données. Comment ne suis-je pas devenu fou dans la longueur de cette nuit atroce? Quelle force nous donne la conscience, le sentiment du devoir à remplir vis-à-vis de ses enfants? Innocent, mon devoir est d'aller jusqu'au bout de mes forces, tant que l'on ne m'aura pas tué. Je remplirai simplement mon devoir. Quant à ceux qui se sont constitués ainsi mes bourreaux, ah, je leur laisse leur conscience pour juge, quand la lumière sera faite, la vérité découverte, car tôt ou tard, tout se découvre dans la vie. Même jour, 2 heures, soir. Mon cerveau est tellement frappé, tellement bouleversé par tout ce qui m'arrive depuis bientôt 2 ans, que je n'en peux plus, que tout défaille en moi. C'est vraiment trop pour des épaules humaines. Que ne suis-je dans la tombe? Oh, le repos éternel! Encore une fois, quand la lumière sera faite, oh, je lègue mes enfants à la France, à ma chère patrie. Mon cher petit Pierre, ma chère petite Jeanne, ma chère Lucie, vous tous que j'aime du plus profond de mon cœur, de toute l'ardeur de mon âme, croyez bien, si ces lignes vous parviennent, que j'aurai fait tout ce qui est humainement possible pour résister. Île du Salut, 12 septembre 1896. Chère et bonne Lucie, je t'ai écrit au commencement du mois de bien nombreuses lettres au reçu de ton courrier. Je reprends la vieille habitude que j'avais de venir te parler, causer avec toi. Cela me fait du bien, et c'est ma seule consolation. Depuis, je connais de nouvelles souffrances, mais je ne veux plus t'en parler. Car il ne faut pas que l'horrible acuité et tout ce que nous supportons dénaturent nos cœurs. Il faut que nous restions ce que nous étions, jusqu'à notre dernier souffle. Mais, dans cette horrible détresse de tout mon être, j'ai besoin de venir réchauffer mon cœur auprès du tien, ma pauvre chérie, auprès de nos chers adorés, dont je murmure nuit et jour les noms, pour me forcer à vivre encore. Pierre, Jeanne. Dans quel épouvantable cauchemar vivons-nous depuis tantôt 2 ans, ma pauvre chérie? Ah, ne pas te dire que parfois le cerveau s'égare, ce serait te mentir et tu dois bien le comprendre. Vois-tu, chère Lucie, nous avons été tellement accablés par cet affreux destin, oh, si horrible que l'on se demande à chaque instant comment nos cerveaux ont pu y résister. Puis nous avons continué à nous entretenir de nos souffrances, de toutes nos douleurs, ne pouvant faire notre esprit à un pareil sort, n'y comprenant rien, tantôt hébétés, tantôt frémissants, que nos cœurs se sont aigris, à notre insu, malgré nous, et au lieu de ne penser qu'à une chose, ne voir qu'une chose, déchiffrer, faire déchiffrer le mystère de cet effroyable drame, au fur et à mesure que le temps passait, sans en amener l'éclaircissement, nous avons fini par accuser d'un mauvais vouloir ceux-mêmes qui font peut-être ce qu'ils peuvent pour cela. Et à ce système, tout finirait par se délabrer en nous, et il ne faut pas, chérie, il faut voir plus haut. Tu vois, chérie, que je viens bavarder longuement avec toi. Je me suis contenu pendant de si longs mois, supportant tout, sans jamais me plaindre, cherchant aussi tant que j'ai pu à te cacher toutes mes douleurs, toutes mes angoisses, dans l'attente chaque jour d'un meilleur lendemain, qu'aujourd'hui j'aurais bien besoin de repos, de calme, d'apaisement, et qu'au contraire la situation se tend de plus en plus, devient plus atroce. Bien souvent j'avais des envies folles de hurler de douleur, et je me contenais, ne voulant pas montrer mon chagrin. Mais alors mon cœur se contractait en des spasmes violents, horribles, et je haletais. Je vous voyais tous enfin par la pensée, toi, mes bons chéris, tes chers parents, mes chers frères et sœurs, et je comprenais, sous le calme apparent de vos lettres, quelle douleur atroce se cachait. Mais nous nous connaissons trop bien. Que de pleurs vous avez dû verser depuis le début de cet horrible drame. Que de souffrances, je n'ose y penser. Ce que je ne pouvais pas, surtout, dans cette contradiction intense de tout l'être, c'est te parler des enfants. Je sentais alors que tout s'amollissait en moi, que les larmes allaient jaillir, que cet effort surhumain que je faisais pour tendre tous les ressorts de mon être allait se rompre. Tout cela est fini aujourd'hui. Je suis devenu incapable de me contracter, de me raidir encore. Je suis redevenu naturel par l'épuisement même de mes forces, me contentant simplement de vivre encore, espérant que la fin de cet horrible drame arrivera encore avant l'épuisement total. 10 octobre 1896. Mon bien cher Alfred, j'ai quitté les bords de la mer depuis quelques jours et je suis rentré définitivement à Paris, où j'ai refait bien tardivement mon installation d'hiver. J'attends avec une bien vive anxiété des lettres de toi. Songe que je n'ai pas de tes nouvelles depuis le 9 août, c'est-à-dire depuis près de 2 mois et demi. Ce sont de longues semaines d'inquiétude, celles qui s'écoulent entre chaque courrier, et chaque jour de retard m'apporte d'autres angoisses. Mais je ne dois pas me plaindre, car mes souffrances, si aigres qu'elles soient, ne sont pas comparables aux tiennes. À l'automne de 1896, le régime déjà si sévère auquel j'étais soumis devint plus rigoureux encore. Le 4 septembre 1896, l'administration pénitentiaire reçut de M. André Lebon, ministre des colonies, l'ordre de me maintenir jusqu'à nouvel ordre enfermé dans ma case nuit et jour, avec double boucle de nuit, d'entourer le périmètre du promenoir autour de ma case d'une solide palissade avec sentinelle intérieure en plus du surveillant de garde dans ma case. En outre, on suspendit la remise des lettres et des envois qui m'étaient adressés. La transmission de ma correspondance ne devait plus être opérée qu'en copie. Conformément à ces instructions, je fus enfermé nuit et jour dans ma case, sans même une minute de promenade. 25 décembre 1896. Mon cher Alfred, une fois encore, je vais remettre le courrier pour qu'il te soit envoyé, avec l'amer chagrin de ne pouvoir te donner encore la nouvelle que tu désires, que nous attendons avec tant d'anxiété, celle de ta réhabilitation. Je sais que ce sera pour toi une nouvelle déception, une prolongation de tes souffrances. C'est pourquoi j'en suis doublement navré. Je ne veux pas que ces lettres te parviennent sans que j'y ajoute encore quelques paroles qui te prouveraient la confiance absolue et bien ferme que j'ai dans un bon avenir prochain. Si Alfred Dreyfus ignore tout de ce que l'on nomme désormais l'affaire Dreyfus à Paris, Lucie, tout au long de l'année 1897, lui écrira ses espoirs sans pouvoir toutefois lui rapporter précisément les progrès faits dans l'avancée vers une révision de son procès. Écris-moi souvent, écris-moi longuement. Correspondance d'Alfred et Lucie Dreyfus, mémoire et journal de captivité. Sa petite sœur aussi. Texte réuni par Emmanuel Chevrière. Aujourd'hui, vers la révision du procès,